Le talisman mystérieux par Edgar Wallace. Chapitre 1er. L'amateur de reliure. Le directeur de l'Ukraine Oil Company, observant d'un air amusé le jeune homme assis sur le bord d'une chaise auprès de son bureau, remarqua combien ses yeux brillaient d'enthousiasme chaque fois que lui était exposé un nouveau motif de découragement. Et certes, l'enthousiasme pouvait être considéré comme indispensable chez l'homme qui occuperait la situation présentement offerte à Malcolm Hay. « La Russie est une étrange contrée, » dit M. Tremaine, « l'une des plus mystérieuses du monde. Les gens qui reviennent de Chine rapportent des histoires stupéfiantes sur les particularités de ses habitants, mais je puis vous affirmer, d'après mes observations personnelles, que le Chinois est un livre ouvert comparé aux paysans russes. À propos, vous parlez russe, n'est-ce pas ? » ?»« Oh oui, monsieur. Je suis familiarisé avec cette langue depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 22, et je parle les deux dialectes. » « Bien, » approuva Miss Tremaine. « Alors il ne vous reste plus qu'à penser dans les deux dialectes. J'ai passé 20 ans dans la Russie du Sud pour diriger l'exploitation de nos puits de pétrole. J'étais même avant qu'ils fussent creusés. Et je ne me crois pas un imbécile. Eh bien, je vous avoue que les Russes me déconcertent autant aujourd'hui que lors de mon arrivée là-bas. Mettez-vous en rapport avec l'un d'eux. Au bout de 2 jours, vous croyez le connaître. 2 jours plus tard, vous avez déjà complètement changé d'avis à son sujet. Et au bout d'un an, si vous avez pris soin de noter quotidiennement vos observations et impressions, vous découvrez que vous avez 365 opinions différentes. À moins que ce ne soit une année bissextile. Parce que, demanda naïvement Hay. Parce qu'alors vous avez 366 opinions, répliqua le solennel Mr. Tremaine en appuyant sur un bouton de sonnette. Il n'est pas nécessaire que vous partiez avant une semaine ou deux, et je vous engage à étudier pendant ce temps notre littérature particulière. Elle vous donnera quelques renseignements utiles sur le pays, du moins la région, où sont situés nos puits, et ces renseignements-là ne se trouvent pas dans les guides. Il y a aussi certaines personnalités en vue que vous auriez intérêt à connaître. « Je connais la plupart d'entre elles, » dit le jeune homme avec aplomb, « grâce au bouquin local que j'ai obtenu du consul d'Angleterre. » Mr. Tremaine réprima un sourire. « Et que dit le bouquin local sur Israël Kensky ?»« Israël Kensky, je ne me souviens pas de ce nom-là, » répondit Malcolm, légèrement embarrassé. « C'est le seul qui doit être retenu, » dit l'autre sèchement. « Par parenthèse, vous pourrez étudier le personnage en dehors de chez lui, car il est à Londres en ce moment. » Un employé venait d'entrer et attendait sur le pas de la porte. « Vous donnerez à Mr. Hay les livres et les brochures dont je vous ai parlé. Ah, dites-moi, quand Mr. Kensky est-il arrivé ?»« Aujourd'hui, monsieur. » Tremaine se retourna vers Malcolm. « En fait, Londres va être, cette semaine, remplie de gens dont les noms ne sont pas dans votre précieux bottin, et que vous devriez tous connaître. » Les Yaroslav nous font une visite officielle. Les Yaroslav ? Oh, sans doute. Le grand-duc et sa fille, précisa Tremaine. Mon Dieu, il est peu vraisemblable que je rencontre jamais le grand-duc ou la grande-duchesse, dit le jeune homme en souriant, car je crois à la famille impériale plutôt exclusive. Tout est vraisemblable en Russie, Master Hay. Si vous revenez dans quelques années, en m'annonçant que vous avez été nommé amiral dans la flotte russe, ou que vous avez épousé la grande-duchesse Irène Yaroslav, je ne douterai pas un instant de votre parole. Par contre, si vous m'arrivez à la même époque, privé de vos 2 oreilles, celles-ci ayant été coupées par vos paysans en l'honneur d'un martyr quelconque, mort il y a 600 ans, je n'en serai pas davantage surpris. Voilà le pays que vous allez habiter, et je vous envie. Tout ce que vous me dites m'étonne fort, convint Malcolm. Je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre, et qu'il me faudra peu compter sur mes diplômes. Vos diplômes pourront vous être utiles, sans doute, mais il vous en faudrait un de plus, un diplôme de sciences religieuses. De sciences religieuses ? Mais oui, pour connaître jusqu'aux dévotions locales, car vous aurez la surprise de voir vos ouvriers chômer 4 ou 5 jours par semaine, pour commémorer la naissance ou la mort des nombreux saints vénérés dans le pays. Si vous ne vous méfiez pas, ils vous glisseront quelques saints qui n'ont jamais existé et le travail restera en plan. C'est ainsi que cela se passe. » Il termina l'entretien par un signe de tête et comme le jeune homme se levait pour partir, ajouta « Revenez demain. Je crois que vous aurez l'occasion de voir Kensky. Vous piquez ma curiosité, Master Tremaine. Cet homme est-il donc un potentat ? Oui et non, répondit prudemment Mr. Tremaine. Chez lui, c'est un homme très en vue, en tant que commerçant. Un potentat dans son genre, je suppose. Au reste, vous saurez même de le juger bientôt. Malcolm Hayem sortit et se mit à marcher allègrement dans les rues de Londres. Il avait pour la première fois une situation, une belle situation, et cela lui semblait un rêve. Maidaville abonde en petites rues tortueuses, longeant de laides bicoques comme murs délavés. Dans l'une de ces bicoques, vraisemblablement garnie, un vieillard était assis devant un établi portatif, sous l'unique lampe accordée par la propriétaire. La pièce était misérablement meublée, mais ni lui, ni la femme assise à la même table, le menton dans ses mains, ne semblaient se soucier de la pauvreté du logis. L'homme, maigre et voûté, était penché sur un morceau de cuir évidemment destiné à une reliure, qu'il travaillait avec des outils délicats. Sa figure était dans l'ombre, et seule l'extrémité de sa barbe blanche trahissait son âge. Tout à coup, il releva la tête et montra le visage émacié d'un sexagénaire et des yeux noirs étincelants. Sa compagne, comme lui, d'un type juif accentué, pouvait avoir 24 ans. Ses traits, assez beaux, étaient gâtés par le rictus de ses lèvres. « Si les Anglais vous voyaient acharnés ainsi à votre travail, ils vous croiraient bien pauvre, petit père. » Israël Kensky continua sa besogne. « Quel livre êtes-vous en train de relier ?» demanda la jeune femme après un moment de silence. « Est-ce le Talmud que Lévi-Lévitsky vous a donné ?» Toujours pas de réponse. Cette fois, elle fronça violemment les sourcils. On aurait eu peine à deviner que c'était le père et la fille, car il n'y avait entre eux ni affection ni communauté d'idées. Il était même surprenant que Sophia Kensky accompagnât son père partout où il allait et que lui accepta de l'avoir pour compagne. Les bonnes langues de Kiev prétendaient qu'ils se méfiaient l'un de l'autre et préféraient ne pas se perdre de vue mutuellement. Le vieillard cessa enfin de travailler. Il déposa ses outils, cligna des yeux et repoussa sa chaise, puis, ricanant d'une voix enrouée, « Ce que je fais, dit-il, c'est une reliure destinée à un livre de grand prix, un livre à fermoir de métal et à feuillet merveilleux. » Il sourit avec fierté. « Un livre magique. » « Petit père, parfois je me demande si vous n'êtes pas fou. Comment voulez-vous connaître des secrets cachés à tous? Et vous qui écrivez si mal, comment remplirez-vous un si gros livre ?»« C'est un livre magique, » répéta le vieillard, et sa fille sourit de dédain. « Je vois, un livre rempli de sortilèges, de mystères et de maléfices. Pourquoi vous étonnez après ça d'être suspect à nous tous à Kiev ?»« À nous tous ? » interrogea-t-il moqueur. « Oui, à nous tous. » « Vous vous comptez donc parmi la racaille, Sophia ?» dit-il en haussant les épaules d'un geste méprisant. « Vous aussi, vous faites partie de la racaille, Israël Kensky, » riposta Sophia. « Est-ce que vous dînez par hasard à la table du grand-duc ?»« Non, mais le grand-duc ne m'a jamais lapidé dans les rues et n'a pas mis le feu à ma maison, que je sache. »« La grande-duchesse non plus, évidemment, » dit la jeune fille d'un air entendu. Il fronça le sourcil. « Une personne comme vous n'est pas digne de parler de la grande-duchesse. » répliqua-t-il. Sophia se mit à rire et dit sans se fâcher « Un jour viendra où elle sera à mes genoux. Je la vois balayant mes parquets et mangeant le pain que je lui jette. Je sais que cela arrivera et c'est dans cette espérance que je m'endors chaque soir. » Israël Kensky avait déjà entendu ces théories si souvent qu'il ne daigna même pas sourire. « Vous êtes une méchante, Sophia. Dieu sait comment j'ai pu avoir une fille telle que vous. Que vous a fait la grande duchesse pour vous inspirer de pareils sentiments ?» « Je la hais parce qu'elle existe, » répondit la jeune fille toujours très calme. « Elle ne m'a rien fait, mais je la hais pour l'orgueilleux sourire qu'elle accorde à ses esclaves. Je la hais parce qu'elle est en haut et moi en bas. »« Vous êtes folle, » jeta Israël en marchant vers la porte. « Peut-être. Vous allez vous coucher ?» Il se retourna sur le seuil. « Je vais dans ma chambre et ne redescendrai pas. Alors je vais dormir. » Israël se retira dans sa chambre qu'il ferma au verrou. Prêtant l'oreille, il entendit la porte de Sophia se fermer aussi et de bruits en tour de clé suivirent. Mais il distingua nettement la différence entre le premier et le second. Sa fille avait voulu lui donner le change et venait de fermer et d'ouvrir d'un même geste. Il s'assit dans son fauteuil devant la cheminée pendant une dizaine de minutes, puis, se levant, traversa doucement la pièce et éteignit la lumière. Un quart d'heure s'écoula dans un silence complet. Tout à coup, un léger craquement se fit entendre avec le bruit d'un souffle derrière la porte. Quelqu'un était là, aux aguets. Israël resta immobile, les yeux fixés sur l'âtre, attentif au moindre son. Il y eut un craquement plus fort, puis d'autres par intervalles, s'éloignant du côté de l'escalier. La maison, mal bâtie, offrait peu de complicité à Sofia Kensky dans sa furtive expédition. Le vieillard alla à la fenêtre, souleva avec précaution un coin de la jalousie et vit sans étonnement une sombre silhouette traverser la cour défoncée, ouvrir le portail et disparaître dans la nuit. La jeune fille avait tourné à droite en marchant très vite et rejoint la rue principale. Alors elle ralentit le pas, car ignorant l'anglais et ne connaissant pas la topographie du quartier, elle aurait eu grand-peine à se diriger dans la ville. Mais un homme sortit de l'ombre et vint à sa rencontre. « Est-ce vous, petite mère ? » dit-il en russe. « Dieu soit loué, vous êtes là !» s'exclama Sofia haletante. « Qui êtes-vous ? » ?»« Boris Yakov, je vous attends depuis une heure et il fait bien froid. » « Je n'ai pas pu sortir plus tôt, le vieux travaillait à sa marotte et je ne pouvais pas arriver à l'envoyer se coucher. »« Pourquoi est-il venu à Londres ?» demanda l'homme. « Il faut quelque chose de bien important pour l'avoir arraché à ses sacs d'écus. » Sofia ne répondit pas, mais au bout d'un instant, « Est-ce que nous allons marcher jusque là-bas » interrogea-t-elle. « N'y a-t-il donc ni Droshky, ni carriole ici ?»« Patience, patience, petite mère, vous allez voir. À Londres, nous faisons les choses sur un grand pied. Nous avons une limousine à notre disposition. Seulement, cela aurait été imprudent de l'amener tout près de votre domicile. » Ils montèrent dans le simple taxi, dénommé pompeusement limousine par Yakov, et celui-ci reprit. « On dit que votre père pratique la magie et qu'il vous jette des charmes. » « C'est un mensonge, » répondit-elle avec indifférence. « La vérité, il me fait peur quelquefois, mais c'est parce que j'ai là, » elle se frappa le front, « une mémoire qui n'en est pas une. Je crois me rappeler quelque chose et tout à coup, pfft, plus rien, j'ai tout oublié. »« Ça, c'est un sortilège qu'il vous jette, » dit gravement Yakov. « Dites-moi, Sofia Kensky, est-ce vrai que vous autres, juifs, vous servez du sang des petits chrétiens pour vos cérémonies ?» Elle se mit à rire, et méprisante. « Qui êtes-vous pour croire à des sottises pareilles ?»« Je m'imaginais que tous les camarades à Londres étaient des gens instruits. » Yakov, mortifié, fit entendre un petit clapement de langue. L'accusation tombait mal, car elle était fière de posséder des grades d'universitaire. Au fond, Sofia Kensky n'était pas très surprise de voir un homme cultivé croire à la fable des sacrifices humains, car cette opinion avait obtenu une certaine vogue en Russie. Le taxi passa de la demi-obscurité des ruelles désertes à la brillante lumière d'une voie large et très animée. Une pluie fine commençait à tomber. « Où me conduisez-vous » demanda-t-elle. « Où a lieu la réunion ?» Son compagnon baissa la voix jusqu'au murmure. « Au café du Lion d'Argent, dans un endroit appelé Soho. Nous nous y réunissons de temps en temps pour rêver d'une libre Russie et pour jouer entre nous. Le Silver Lion est à la fois un restaurant et un club. Cette nuit, il est nécessaire que vous soyez là. » Sofia Kensky, à cause des graves événements qui se préparent. Au bout d'un moment, elle redemanda « Est-ce un lieu sûr ?»« Sûr ?» dit Yakov en riant. « Certes, nous ne courons aucun danger. À Londres, on fait ce qu'on veut, car il n'y a pas de police secrète. » De nouveau, le taxi s'était engagé dans un dédale de rues étroites. Il s'arrêta enfin devant une maison sans apparence. Yakov et sa compagne descendirent, et celui-ci expliqua tout bas « Nous sommes ici derrière le restaurant. La plupart des camarades entrent par là. » Après avoir envoyé le taxi, il sonna, et la porte s'ouvrit aussitôt sur un petit vestibule éclairé au gaz. Au fond, un escalier menait à l'étage supérieur. Un autre, plus étroit, conduisait à la cave. C'est ce dernier qu'ils prirent. Arrivé au sous-sol, Yakov, toujours suivi de Sofia, s'engagea dans un couloir blanchi à la chaux qui aboutissait à une solide porte de bois. Il frappa. Un guichet s'ouvrit d'abord de l'intérieur, puis la porte, pour livrer passage aux deux compagnons, sans qu'une parole eût été prononcée.